Les sœurs de charité. Le jeune homme, dont l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de 20 ans qui devrait aller nu, écu le front cerclé de cuivre sous la lune, adoré dans la Perse un génie inconnu, impétueuse avec des douceurs virginales et noires, fière de ses premiers entêtements, pareil aux jeunes mères pleurs de nuits estivales qui se retournent sur des lits de diamants. Le jeune homme, devant les laideurs de ce monde, tressaille dans son cœur largement irrité. Et plein de la blessure éternelle et profonde, se prend à désirer sa sœur de charité. Mais ô femme, monceau d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais la sœur de charité, jamais. Ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, ni doigts légers, ni seins splendidement formés. Aveugle irréveillé aux immenses prunelles, tout notre embrassement n'est qu'une question. C'est toi qui penses à nous, porteuse de mamelles, nous te berçons, charmante et grave passion. Tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances et les brutalités souffertes autrefois, tu nous rends tout, ô nuit, pourtant sans malveillance, comme un excès de sang épanché tous les mois. Quand la femme portait un instant l'épouvante, amour, appel de vie et chanson d'action, viennent la muse verte et la justice ardente le déchirer de leur auguste obsession. Ah, sans cesse altérée des splendeurs et des calmes, délaissée des deux sœurs implacables, geignant avec tendresse après la science aux bras almes, il porte à la nature en fleurs son front saignant. Mais la noire alchimie et les saintes études répugnent aux blessés, sombres savants d'orgueil. Il sent marcher sur lui d'atroces solitudes. Alors, et toujours beau, sans dégoût du cercueil, qu'il croit aux vastes fins, rêves ou promenades, immenses à travers les nuits de vérité, et t'appelle en son âme et ses membres malades. Ô mort mystérieuse, ô sœur de charité.